3. Peut-être faut-il craindre en voyage de gâter par des lectures faites d'avance l'impression première des lieux célèbres. J'avais visité l'Orient avec les seuls souvenirs, déjà vagues, de mon éducation classique. Au retour de l'Égypte, Naples était pour moi un lieu de repos et d'études, et les précieux dépôts de ses bibliothèques et de ses musées me servaient à justifier ou à combattre les hypothèses que mon esprit s'était formées à l'aspect de tant de ruines inexpliquées ou muettes. Peut-être ai-je dû au souvenir éclatant d'Alexandrie, de Thèbes et des pyramides, l'impression presque religieuse que me causa une seconde fois la vue du temple d'Isis de Pompéi. J'avais laissé mes compagnons de voyage admirer dans tous ses détails la maison de Diomède, et me dérobant à l'attention des gardiens, je m'étais jeté au hasard dans les rues de la ville antique, évitant çà et là quelque invalide qui me demandait de loin où j'allais et m'inquiétant peu de savoir le nom que la science avait retrouvé pour tel ou tel édifice, pour un temple, pour une maison, pour une boutique. N'était-ce pas assez que les Drogmans et les Arabes m'eussent gâté les pyramides sans subir encore la tyrannie des Cicéronis napolitains? J'étais entré par la rue des tombeaux. Il était clair qu'en suivant cette voie pavée de lave, où se dessine encore l'ornière profonde des roues antiques, je retrouverais le temple de la déesse égyptienne, situé à l'extrémité de la ville, auprès du théâtre tragique. Je reconnus l'étroite cour jadis fermée d'une grille, les colonnes encore debout, les deux autels à droite et à gauche, dont le dernier est d'une conservation parfaite, et au fond l'antique celle-là, s'élevant sur cette marche autrefois revêtue de marbre de Paros. 8 colonnes d'ordre dorique, sans base, soutiennent les côtés, et 10 autres le fronton. L'enceinte est découverte, selon le genre d'architecture dit hypétron, mais un portique couvert régnait alentour. Le sanctuaire a la forme d'un petit temple carré, voûté, couvert en tuiles, et présente 3 niches destinées aux images de la Trinité égyptienne. 2 autels placés au fond du sanctuaire portaient les tables isiaques, dont l'une a été conservée, et sur la base de la principale statue de la déesse, placée au centre de la nef intérieure, on a pu lire que Hès et Phébus l'avaient érigée dans ce lieu par décret des décurions. Près de l'autel de gauche, dans la cour, était une petite loge destinée aux purifications. Quelques bas-reliefs en décoraient les murailles. 2 vases contenant l'eau lustrale se trouvaient en outre placés à l'entrée de la porte intérieure, comme le sont nos bénitiers. Des peintures sur stuc décoraient l'intérieur du temple et représentaient des tableaux de la campagne, des plantes et des animaux de l'Égypte, la terre sacrée. J'avais admiré au musée les richesses qu'on a retirées de ce temple, les lampes, les coupes, les encensoirs, les burettes, les goupillons, les mitres et les crosses brillantes des prêtres, les sistres, les clairons et les cymbales, une Vénus dorée, un Bacchus, des Hermès, des sièges d'argent et d'ivoire, des idoles de basalte et des pavés de mosaïque ornés d'inscriptions et d'emblèmes. La plupart de ces objets, dont la matière et le travail précieux indiquent la richesse du temple, ont été découverts dans le lieu saint le plus retiré, situé derrière le sanctuaire, et où l'on arrive en passant sous 5 arcades. Là, une petite cour oblongue conduit à une chambre qui contenait des ornements sacrés. L'habitation des ministres isiaques, située à gauche du temple, se composait de 3 pièces, et l'on trouva dans l'enceinte plusieurs cadavres de ces prêtres à qui l'on suppose que leur religion fit un devoir de ne pas abandonner le sanctuaire. Ce temple est la ruine la mieux conservée de Pompéi, parce qu'à l'époque où la ville fut ensevelie, il en était le monument le plus nouveau. L'ancien temple avait été renversé quelques années auparavant par un tremblement de terre, et nous voyons là celui qu'on avait rebâti à sa place. J'ignore si quelqu'une des 3 statues d'Isis du musée de Naples aura été retrouvée dans ce lieu même, mais je les avais admirées la veille, et rien n'en empêchait, en y joignant le souvenir des 2 tableaux, de reconstruire dans ma pensée toute la scène de la cérémonie du soir. Justement, le soleil commençait à s'abaisser vers Caprée, et la lune montait lentement du côté du Vésuve, couvert de son léger dais de fumée. Je m'assis sur une pierre, en contemplant ces 2 astres qu'on avait longtemps adorés dans ce temple sous les noms d'Osiris et d'Isis, et je me sentis pris d'une vive émotion. Enfant d'un siècle sceptique, plutôt qu'incrédule, flottant entre 2 éducations contraires, celle de la Révolution, qui niait tout, et celle de la réaction sociale, qui prétend ramener l'ensemble des croyances chrétiennes, me verrais-je entraîné à tout croire, comme nos pères, les philosophes, l'avaient été à tout nier? je songeais à ce magnifique préambule des ruines de Volnay, qui fait apparaître le génie du passé sur les ruines de Palmyre, et qui l'emprunte à des inspirations si hautes que la puissance de détruire pièce à pièce tout l'ensemble des traditions religieuses du genre humain. Ainsi périssait, sous l'effort de la raison moderne, le Christ lui-même, ce dernier des révélateurs, qui, au nom d'une raison plus haute, avait autrefois dépeuplé les cieux. Ô nature, ô mère éternelle, était-ce là vraiment le sort réservé au dernier de tes fils célestes? Les mortels en sont-ils venus à repousser toute espérance et tout prestige? Élevant ton voile sacré, déesse de Saïs, le plus hardi de tes adeptes, s'est-il donc trouvé face à face avec l'image de la mort? Si la chute successive des croyances conduisait à ce résultat, ne serait-il pas plus consolant de tomber dans l'excès contraire et d'essayer de se reprendre aux illusions du passé ?